Albert Ndouiman, Albert Ndouayo et Dorine Nouiman assurent la mise en onde. Merci de garder l'écoute de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la soirée dont voici tout d'abord les principaux titres. Présentation de nouveaux billets de 500, 2000, 5000 et 1000 francs burundais par la Banque de la République du Burundi. Jean Chiza, gouverneur de la Banque centrale, explique que les anciens billets étaient facilement falsifiables. Vous l'entendrez tout à l'heure. Et la mutuelle de la fonction publique accuse un problème de stock de médicaments suite aux difficultés financières. Selon la Confédération des syndicats au Burundi, au niveau de la mutuelle, on signale que ce problème n'est posé dans le passé, mais qu'aujourd'hui, il a été réglé. Et le ministère de l'Énergie et Mines vient de déclarer que l'énergie électrique est déficitaire au Burundi. Le ministre Komane Lakiza l'a déclaré ce jeudi lors de la présentation du plan directeur de production et de transport de l'énergie électrique par son ministère. Vous aurez les détails également dans la chronique judiciaire. Maître Segatoua Fabien plaide pour la libération des condamnés une fois que la grâce présidentielle est décrétée en leur faveur. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Sécurité pour débuter cette édition. Le commissaire communal de la police en commune Nyabihanga a été tué la nuit dernière par un groupe de voleurs. Deux de ces bandits ont été tués selon le commissaire de police à Mwaro. Il signale que les enquêtes relatives ont déjà commencé. Et 20 ans de servitude pénale, une amende de 4 000 francs burundais et 400 000 francs burundais et 2 millions de francs burundais pour les soins de sa femme et son enfant actuellement sur le lit d'hôpital. Telle est la peine est prononcée par le tribunal de grande instance de Lumongue, siégeant en matière de flagrance à la mi-journée de ce jeudi contre André Ilambona. Cet homme habitant à Magala s'est rendu coupable de tentative d'assassinat contre sa femme et d'avoir infligé volontairement les lésions corporelles graves à sa femme et son enfant le matin de ce dimanche. Même si André Ilambona décide d'interjeter appel, il doit d'abord payer ses soins, indique Frédéric Ndaikeza, procureur de la République de Lumongue. Et certains batois ont fait ce matin sit-in devant le parquet de Chibitoke. Ils réclament l'interpellation de présumés auteurs d'un meurtre d'une personne et de leur ethnie tuée il y a deux semaines. Jean-Marie Wigilindavi, procureur de la République à Chibitoke, tranquillise ses batois et fait savoir que trois personnes ont été arrêtées en vue d'être jugées pour ce meurtre. Et je vous le disais tout à l'heure, le ministre en charge de l'énergie et mines confirme que l'énergie électrique est suffisante dans le pays, mais que les chiffres des consommateurs sont en dessous de 50%. Il a dit ce jeudi, au cours de la présentation du plan directeur de production et transport de l'énergie électrique par son ministère. C'est après que, lors de la célébration de la Journée internationale du travail, le vice-président de l'association des employeurs ait indiqué que le développement du pays n'est pas possible suite au déficit énergétique. Le détail avec Evariste Nzikobanya. Ce 1er mai, le jour de la célébration de la Journée mondiale des travailleurs du travail, le vice-président de l'Association des employeurs du Burundi, Salvatore Niziguimana, a indiqué dans son discours marquant cette journée que le Burundi fait toujours face à un défi énergétique, ce qui freine en conséquence le développement du pays, a-t-il indiqué. Dans le mode de circonstance de l'association que je représente, celle des employeurs du Burundi, AEB, nous rappelons tous les jours que l'énergie est parmi les facteurs de création d'emplois. Même aujourd'hui, nous le rappelons encore une fois. Tout ce que nous venons d'énumérer en ce qui concerne le développement est celle des avancées de la technologie, des écoles de métiers que le gouvernement implante partout dans les communes, ainsi que la création d'industries ne seront pas possibles si nous n'avons pas assez de l'énergie et qui ne détruit pas l'environnement dans le pays. Aucun pays au monde ne s'est développé ou qui prétend se développer sans trouver solution à ce problème d'énergie. Le ministre de l'Énergie et des Mines indique quant à lui que les chiffres montrent que l'électricité produite au Burundi connaît une basse consommation. Le ministre Komemane Rakiza donne de plus en plus d'explications. Il est vrai, si nous essayons d'analyser la situation qui prévaut au niveau de la régie des eaux, on voit qu'on a assez de production par rapport à la consommation. Et cela se justifie par deux raisons. La première, aujourd'hui, la centrale Ruzizi 1 et Ruzizi 2 du moins ne fonctionne pas. La régie des eaux n'a pas de quota qui provient de ces deux centrales parce que ce sont des centrales qui sont en réhabilitation aujourd'hui. Mais vous remarquez très bien qu'il n'y a pas d'effet immédiat au niveau de la distribution ou au niveau de la régie des eaux. Deuxième chose, c'est que nous avons une centrale thermique qui produit 30 MW. Alors, si nous essayons d'analyser les rapports qui nous parviennent, on voit très bien que la régie des eaux n'a jamais tiré plus que 50% de ces 30 MW pour dire que la demande par les bénéficiaires est faible par rapport à la production existante. Ce ministre en charge de l'énergie reconnaît les pannes électriques dues à la vétusté des sites et câbles, raison pour laquelle le plan directeur de production et de transport de l'électricité présenté ce jeudi par son ministère ne vise que les réhabiliter. Merci Évariste Nzikobanyanga. Parlons économie à présent. Les billets de 500, 2000, 5000, 10 000 francs burundais ont été remplacés par de nouveaux billets difficiles à falsifier contrairement aux anciens. Précision de Jean Chiza, gouverneur de la Banque de la République du Burundi, dans un point de presse de ce jeudi. Il précise que les anciens billets seront utilisés pour un délai de 3 mois à compter de ce 2 mai 2019. Suivez-le. Dans le souci constant d'améliorer la qualité, la sécurité et la durabilité des signes monétaires utilisés au Burundi, la Banque de la République du Burundi lance ce jeudi 2 mai 2019 de nouveaux billets améliorés de 500, 2000, 5000 et 10 000 francs burundis. Le papier fiduciaire et certaines sécurités des billets de 500, 2000, 5000 et 10 000 francs burundis ont été améliorés. Cependant, leur rendu visuel reste quasi identique à celui des billets actuels. En circulation. Les nouveautés suivantes sont communes aux coupures de 500, 2000, 5000 et 10 000. Un papier fiduciaire de haute durabilité a été utilisé pour augmenter la durée de vie des billets. Un fil de sécurité à fenêtre non métallique incorporé dans le papier montrant une tête de génisse et les lettres BRB faisant des mouvements rapides lorsque le billet est incliné. Les changements suivants ont été opérés sur certaines coupures. Sur l'ananas du billet de 2000, le panier du billet de 5000 et le tambour du billet de 10 000, les lettres BRB imprimées par embossage ont été supprimées afin de rendre plus visible l'effet de changement de couleur lorsque le billet est incliné. Sur le papier du billet de 5 000 et le tambour du billet de 10 000, un anneau qui se déplace lorsque ces billets sont inclinés remplace la barre verticale se trouvant sur les billets en cours de circulation. La Banque de la République du Burundi informe le public que dans un délai de 3 mois, 10 durées de double circulation, il sera possible de régler les achats soit avec les anciens billets soit avec les nouveaux. Les détenteurs des anciens billets sont priés de les déposer auprès des banques, des institutions de microfinance et de la poste, qu'ils détiennent ou non des comptes bancaires. Au-delà de cette période, les billets de 500, 2000, 5000 et 10 000 seront échangés uniquement à la BRB et cela moyennant une décote de 5%. Jean Chiza, il est gouverneur de la Banque de la République du Burundi. Après une courte pause, on va passer en page santé. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La mutuelle de la fonction publique est actuellement en difficulté pour pouvoir accomplir sa mission suite au manque de médicaments. Tarsis Gahungu, président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosebo Kilodi, indique que la mutuelle de la fonction publique n'a plus de moyens pour pouvoir s'approvisionner en médicaments. Ce responsable syndical demande au gouvernement burundais de se pencher sur cette question afin d'alléger la souffrance des abonnés. Correspondance de Jean-Pierre Misako. Le manque criant de médicaments a rapporté actuellement à la mutuelle de la fonction publique un problème qui se répercute directement sur les abonnés obligés de toujours payer des suppléments pour son origine dans le fait que cette société n'a plus les possibilités de s'approvisionner en médicaments directement auprès des fabricants, selon Tarsis Gahungu, président de la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU. Dans son discours de ce 1er mai, ce responsable syndical dit que la mutuelle se rabat actuellement sur le marché local et demande au gouvernement du Burundi de tout faire pour que la mutuelle puisse recouvrer ses possibilités de pouvoir s'acheter des médicaments directement auprès des fabricants. Dans ces conditions, les médicaments seront abondants et l'abonné de la mutuelle se verra sa souffrance allégée, estime Tarsis Gahungu. L'intervention de l'État burundais ne devrait pas s'arrêter là. Ce responsable syndical dit que l'État devrait également harmoniser les prix des services rendus dans les hôpitaux et les centres de santé publique et surveiller que les médicaments importés au moyen des devises rendues disponibles par l'État ne profitent aux seuls importateurs, mais à la population burundaise nécessiteuse. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Juste pour ajouter que la mutuelle de la fonction publique reconnaît qu'elle a connu dans le temps un manque de médicaments, mais qu'elle dispose cette fois-ci un stock qui peut couvrir une période de 6 mois. Abel Gachatsi, son directeur général, déplore le non-accès direct aux usines de fabrication de médicaments et espère que le problème trouvera solution d'ici peu de jours, car, dit-il, toutes les institutions publiques habilitées travaillent sur ce dossier. Abel Gachatsi s'entretient avec Placide Niomoukele. À la mutuelle de la fonction publique, surtout ces derniers jours, on avait remarqué un manque criant de médicaments dans les officines de la mutuelle de la fonction publique. Et cela a été causé par les soumissionnaires qui ont gagné le marché à la mutuelle de la fonction publique. Ces gens-là, eux aussi, ils possèdent des pharmacies de gros et de détail pour dire qu'il y avait lenteur dans la fourniture des médicaments. Les autorités de la mutuelle de la fonction publique ont pris cette question au sérieux. Ils ont tout fait et pour le moment on a un stock qui va nous servir pendant 6 mois. Mais la question qui rate, c'est une question d'avoir des médicaments d'une façon régulière. Et dans le temps, à la mutuelle de la fonction publique, on avait l'autorisation d'aller se procurer les médicaments à l'usine chez les fabricants. Mais aujourd'hui, pour pouvoir avoir des médicaments, on doit lancer au marché public. Il y a les procédures longues. Mais aujourd'hui, on est en train de demander les autorités du pays pour que la mutuelle de la fonction publique puisse elle-même aller s'approvisionner chez les fabricants. Les autorités du pays nous ont demandé de collaborer avec la CAMEBU pour que la CAMEBU nous aide à avoir les médicaments. Et la convention de collaboration est en cours de finalisation. Je pense que c'est une question qui est connue de partout le monde. J'espère que la mutuelle de la fonction publique, une fois avoir l'autorisation d'aller se procurer les médicaments chez les fabricants, cette question ne va plus se poser. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la question perdure? La question ne perdure pas car pour le moment, les médicaments, la mutuelle de la fonction publique, ils sont là, ils sont disponibles, mais il faut que ça soit pérenne. Pour que ça soit pérenne, il faut que la mutuelle de la fonction publique ait l'autorisation d'aller s'approvisionner en médicaments chez les usines et chez les fabricants. Abel Gachatsi, il est directeur général de la mutuelle de la fonction publique qui s'observe en tas d'immondices et dans le quartier Milango 2 de la zone Kamenga, mairie de Bujumbura. Des personnes exerçant leur métier dans cette localité estiment que ces immondices proviendraient des différentes contrées, y compris la zone Kinama. Cependant, ils expliquent que quand il pleut, une odeur nauséabonde se propage, ajoutant qu'il y a des cafétérias qui ont déjà fermé leurs portes suite à ces déchets. Fabrice Sebimenyimana, reportage. Ce tas d'immondices est composé de différents déchets, des sacs en plastique hors usage, des restes de la nourriture et autres, est à la jonction de la 14e avenue et celle menant vers l'église communément appelée chez Wiengero dans le quartier Mirango 2. Visiblement, la clôture qui protégeait ces immondices a été démolie sur ses deux côtés, donnant accès à ces deux avenues à cause du poids de ces dernières. Une des personnes exerçant divers métiers tout près de ces immondices indique que celle-ci proviendrait de différents quartiers, y compris celui de la zone Kinama. Il y a des gens qui collectent les déchets de divers quartiers, notamment celui de Kinama, là-bas à la gare du Nord et dans les autres quartiers, pour enfin les déposer ici. Vous voyez que ces immondices sont devenus comme une montagne. Elle ajoute que quand la pluie tombe, ces immondices dégagent une odeur nauséabonde, ce qui cause la diminution des clients chez les coiffeurs de cette localité. Ici, quand il pleut, ça pue beaucoup, de sorte que même nous les coiffeurs, il nous soit difficile de résister à cette odeur. Et quand nos clients viennent ici, alors qu'ils ne sont pas habitués de sentir une odeur pareille et que tu es en train de coiffer un autre client, ceux-ci, au lieu d'attendre, préfèrent s'en aller. De plus, suite à cette odeur nauséabonde, une autre personne précise qu'il y a un propriétaire d'un cafétéria qui a fermé les portes. C'est honteux dans ce quartier parce que quand il pleut, elle dégage une odeur nauséabonde. Récemment, il y a un propriétaire d'un cafétéria qui a fermé ses portes à cause de la saleté. Vous savez que le lait et la saleté sont incompatibles. Ces habitants qui s'inquiètent pour leur santé demandent aux autorités habilitées de leur venir en aide avant que la situation ne s'aggrave. La même situation de salubrité s'observe tout près du marché de Cotebou, se trouvant en mairie de Bujumbura, dans un espace réservé à la vente des légumes. Fabrice Abimenyimana, stagiaire à la radio Isanganiro, à ce propos, nous avons contacté les autorités de la mairie de Bujumbura, mais sans succès. Et la réhabilitation du ravin, ayant détruit la route dite Mutaga, partant du petit séminaire de Kanyosha, et qui a également cassé les tuyaux qui approvisionnaient à nous la localité d'Itchecheni, du quartier 2, dépasse les capacités de la zone Ombendo Musaga, selon Antoine Lomagnetto, chef de cette zone. Il faut que le gouvernement et les organisations humanitaires apportent une intervention urgente. Il appelle la régie des eaux à la réparation des tuyaux d'eau cassés. Les habitants de cette localité à dégager dans l'urgence sont l'écoute. C'est un ravin qui se croisait avec la rivière Kanyosha. Un ravin qui s'est agrandi peu à peu, mais a pris une grande ampleur suite au glissement de terrain. Et le caniveau qui menait les eaux provenant de Kinanira 4 a été détruit. Et maintenant, c'est le tour de la route macadamisée, appelée Boulevard Mutaga, qui reliait la RN3 et la RN7. Maintenant, la route est barrée suite à cette destruction des infrastructures publiques, entre autres une école qui était là. Les habitations ont été démolies. C'est la pire fuite des habitants environnants. Au niveau de la mairie, la question est connue pour voir ce qui peuvent aider parce que c'est un concours. Sinon, ce n'est pas une entité provinciale qui peut réhabiliter la route ou réhabiliter le caniveau. Si la question a été soumise aux autorités hiérarchiques, que rien n'a été fait, est-ce qu'on peut parler d'indifférence? On ne peut pas parler d'indifférence parce que c'est un travail qui nécessite beaucoup de moyens. Ces moyens ne peuvent pas provenir seulement de la mairie. Les mêmes habitants de ce quartier craignent des maladies liées aux mains sales parce que les tuyaux qui les approvisionnaient en eau ont été cassés. C'est une menace pour laquelle il faut une action urgente d'une part de l'État aux organismes tant nationaux qu'internationaux. C'est un danger en amont et en aval parce que tôt ou tard sera le tour de la Sérire Moïra jusqu'au quartier Kinanira 4. Quel est le message que vous donnez aux habitants de cette localité pour le moment qui semble être désespéré? Le message que nous lançons à la population de la Sérire Moïra du quartier Kinanira 2, c'est de quitter l'endroit où la menace est visible. En ce qui concerne l'eau, la régie des eaux est prête à réhabiliter ces tuyaux cassés. Radio Isanganiro, chronique justice. Une commission permanente en charge de dossiers des prisonniers suit de près l'exécution de la mesure de grâce présidentielle prévue par le code pénal burundais en faveur de certains condamnés. Maître Fabien Segatro indique que la commission doit veiller à ce que les bénéficiaires soient immédiatement libérés. Chronique judiciaire de ce jeudi signée Alain Désiré Boukayeneta. Avec la mesure de grâce présidentielle, une commission en charge des dossiers des prisonniers doit se mettre à l'œuvre afin d'identifier les bénéficiaires de cette décision. Maître Fabien Segatoua donne les explications. C'est cette commission en fait qui se met à l'œuvre aussitôt qu'il y a des mesures de grâce qui sont annoncées, passe par tous les prisons pour voir les dossiers des prisonniers et voir effectivement les gens qui sont bénéficiaires de ces mesures de grâce et les enregistre. Partent maintenant à chaque prison pour appeler les gens qui sont libérables et qui sortent de la prison. La commission doit veiller à la tenue des dossiers des prisonniers qui comportent quelquefois des irrégularités. Il y a des dossiers qui ne sont pas complets, il y a des gens qui ont été condamnés et on ne porte pas ça dans les dossiers, probablement parce que les juridictions n'ont pas signifié les jugements de condamnation ou parce que peut-être que celui qui tient les dossiers, donc ce qu'on appelle le service juridique, n'a pas bien tenu les dossiers. À côté de ces prisonniers libérés par grâce présidentielle, les acquittés devraient à leur tour être régularisés. Ça fait mal pour certains, je ne dirais pas, oui, détenus, qui sont détenus alors qu'ils ont été acquittés. Alors, on a songé aux gens qui ont été condamnés, donc les gens fautifs, mais aujourd'hui, on ne songe pas à la catégorie des gens qui ont été acquittés par la justice, donc qui ont été reconnus comme innocents, donc n'avoir encore rien fait. Maître Fabien Segatois explique que l'acquitté doit être libéré immédiatement. Il faudrait tout de même que la loi soit appliquée, parce que pour ces gens-là, il n'y a même pas de mesure de grâce qui est nécessaire. Il faut seulement appliquer la loi. Et la loi dit, lorsque quelqu'un est acquitté, il est immédiatement relâché. Les parquets doivent délivrer un billet d'élargissement au profit des acquittés. Mais ce billet n'est pas accessible dans certains cas. Maître Segatois considère que la détention dans ce cas n'est qu'un emprisonnement arbitraire. Pour ces gens-là, il n'y a même pas de mesure de grâce qui est nécessaire. Il faut seulement appliquer la loi. Et la loi dit, lorsque quelqu'un est acquitté, il est immédiatement relâché. Quelqu'un qui a été acquitté, qui reste en prison, c'est un emprisonnement arbitraire. Selon Segatois, il s'agit ici d'une violation de la loi susceptible d'être traitée. Traduite en justice. Merci Alain Désiré-Boukéine. C'est par cette chronique que nous mettons un point final à cette édition de la soirée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Dorine Ouimana pour la mise en onde. Deli Nibel Nibigla, je vous l'ai présenté. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.